La délégation du Parti uni islamique de l'Iran, conduite par son premier secrétaire adjoint Seyed Mehdi-Joulahi, la délégation de Kyoto du Japon, pour célébrer le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, conduite par le vice-président du Kyoto Net pour l'amitié népo-coréenne, en faveur de la promotion des échanges culturels, scientifiques et civils, Yasui Tsutomu et autres hôtes étrangers, ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung. La délégation iranienne a aussi visité le monument aux idées du Jutsu et le musée de la fondation du parti, alors que la délégation japonaise, le parc aquatique de Munsu, le musée de la nature, le zoo central, etc.